13-21, observation. Forme masculine et féminine. Révision et extension. Russe. Russe. Sexiste. Sexiste. Impossible. Impossible. Formidable. Formidable. Drôle. Drôle. Violette. Violet. Bleu. Bleu. Étonné. Étonné. Principal. Principal. Noir. Noir. Mexicaine. Mexicain. Prochaine. Prochain. Copine. Copain. Maligne. Malin. Affreuse. Affreux. Mateuse. Mateux. Dangereuse. Dangereux. Première. Premier. Dernière. Dernier. Chère. Chère. Puante. Puant. Passante. Passant. Élégante. Élégant. Collante. Collant. Resquilleuse. Resquilleur. Dragueuse. Dragueur. Idiote. Idiot. Verte. Vert. Couverte. Couvert. Courte. Court. Veuve. Veuf. Neuve. Neuf. Inoffensive. Inoffensif. Sourde. Sourd. Froide. Froid. Chaude. Chaud. Nouvelle. Nouveau. Belle. Beau.